Chapitre 9. Cœur droit. La bande d'Indiens dans laquelle Esther Morse était prisonnière, conduite par Aigle Noir, était cette portion de la grande tribu des Dakota ou Sioux que la population blanche des frontières appelait « gens du large » pour les distinguer des « gens du lac », autre section de la même tribu qui vivait dans des villages sur le bord du lac Spirit. Les premiers, Aigle Noir en tête, étaient tous voleurs, pillards et assassins, les seconds étaient assez doux et tranquilles. Aigle Noir avait si bien caché toutes ses manœuvres que personne ne s'en était même douté. On s'attendait bien à faire main basse sur les Mormons, sur la caravane de Miles Morse, mais on ne savait point au juste quand et comment se feraient les choses. En poussant leurs cris de guerre, ils avaient pensé attirer à leur merci le chef mormon et le rançonner sans miséricorde. Mais leur étonnement fut grand d'entendre une voix forte et claire y répondre par un cri retentissant et de voir apparaître sur la colline un cavalier qui se dirigeait rapidement vers eux. Cette apparition avait un caractère si soudain et si fantastique qu'on crut d'abord avoir affaire au Manitou des montagnes ou à un messager céleste du grand esprit. Esther Morse, elle-même, quoique bien au-dessus des superstitions indiennes, ne put réprimer une vive émotion en voyant sortir, presque des nuages, ce jeune guerrier inconnu, dont le coursier semblait avoir des ailes, tant il descendait rapidement les pentes abruptes et rocailleuses. En quelques minutes, il fut arrivé près des Dakota, qui lui firent, silencieusement suivant leur usage, un accueil plein de déférence. Le nom d'Océo fut murmuré par plusieurs guerriers indiens. Quoique paraissant être un personnage considérable parmi les Dakota, il portait plutôt le costume d'un chasseur blanc que celui d'un guerrier sauvage. Tout son équipement portait les signes évidents du luxe et de la civilisation. Esther remarqua sa belle selle brodée, la bride en argent ciselée de son cheval, ses vêtements en fine peau de daim parfumée, ses mocassins élégants, son chapeau enjolivé de fourrure précieuse et décoré d'une seule plume d'aigle. Devant sa poitrine était suspendu l'ornement favori des chefs indiens, un petit bouclier en argent damasquiné. Ses pistolets à crosse d'ébène, sa lance dont le fer était en acier damassé, n'étaient certainement pas l'œuvre d'un artiste sauvage. C'était un beau jeune homme, à la taille fine et souple, au visage ovale et intelligent, aux yeux bleus, couleur rare chez les Indiens, au maintien noble, empreint d'une grâce hautaine. Sa voix harmonieuse et sonore n'avait point les notes gutturales des sauvages. Esther sentit son cœur battre lorsqu'il la regarda, le sourire sur les lèvres, le sourire chose inconnue aux guerriers indiens. « Les guerriers des Dakota sont bien loin de leur wigwam, » dit-il à Aigle Noir, en promenant autour de lui des regards perçants, comme pour découvrir le motif de leur expédition. « Les mocassins d'Océo ne s'éloignent pas souvent du lac Spirit, » répondit évasivement le chef. « La prairie est ouverte à tout le monde. Les gens du large viennent sans doute adorer le Manitou dans les grandes cavernes de la montagne. Mon frère est un homme du lac. A-t-il rencontré le grand esprit ?» Lorsque le cri de guerre des Dakota a frappé ses oreilles, il a cru entendre les esprits des montagnes. Pourquoi les chevaux d'Aigle Noir se dirigent-ils vers le soleil couchant? Cette piste les emmène loin de leurs femmes et de leurs enfants. L'homme blanc possède de nombreux troupeaux. Dans sa main, il tient beaucoup d'or rouge. Les Dakota sont pauvres. Le buffle et le daim ont quitté leur forêt natale. La loutre et le castor ont abandonné les rivières. Le cheval sauvage a disparu. C'est l'homme blanc qui, avec son fusil, a chassé tout cela. Le fer de ses wagons a écrasé l'herbe des prairies. Le fils du désert cherche en vain de la nourriture pour ses petits-enfants. Son wigwam est vide. Les faces pâles ont dépouillé le Dakota. Il s'en va pour leur échapper. Les paroles d'Aigle Noir sont comme la trace du serpent, tortueuses et pleines de fourberies. Sa langue est fourchue, ses pieds ont perdu le sentier de la vérité. Il n'y a ici ni bestiaux ni provisions appartenant à l'homme blanc. On les a emmenés bien loin. Les faces pâles étaient en nombre plus grand que les fruits du man Momsé. Les grains de riz sauvages sont innombrables. Le Dakota n'est point une taupe qui aille se jeter aveuglément dans une trappe. L'arme à feu des faces pâles envoie la mort. Où sont les blessés et les tués parmi les Dakota ?» Quoique embarrassé par les questions pressantes du nouveau venu et déconcerté de voir ses plans devinés, Aigle Noir continua ses réponses hypocrites. « Les hommes rouges s'enfuient. Ils voient que les faces pâles veulent les chasser de la surface de la terre et... ils volent une innocente fille, puis ils se sauvent comme des loups effrayés. » Ces paroles amères et le ton avec lequel elles furent prononcées irritèrent profondément Aigle Noir. Mais contenu par le regard clair et froid d'Océo, il n'osa laisser éclater sa rage. « Quel a été votre but en enlevant cette jeune fille ?»« L'or, l'or !» répondit l'Aigle Noir. « Et vous la traînez par ici, dans les montagnes inaccessibles, pensant y trouver ceux qui pourraient vous donner de l'or ?» Cet argument était décisif. Il ouvrit les yeux aux compagnons d'Aigle Noir, qui commencèrent à soupçonner leur chef d'avoir d'autres projets cachés, tout autre que le pillage des Mormons. « Eh bien non !» répliqua rudement Aigle Noir, qui, réflexion faite, aima mieux ne pas parler des Mormons. « Les Dakota ne sont pas fous. Ils ne quittent pas une piste facile et unie sans motif, car ils connaissent tous les sentiers de la montagne. Ils tournent la position de l'ennemi pour mieux la surprendre. Y a-t-il besoin de dire cela à cœur droit, lui qui marche depuis si longtemps dans les sentiers du désert ?»« Déliez la face pâle, » dit cœur droit en français. C'était le premier mot que put comprendre Esther, car le commencement de la conversation avait eu lieu en langue indienne. Elle se jeta à ses genoux et le remercia en pleurant. « La langue des faces pâles est adroite au mensonge. Elle sait très bien déguiser ce que pense le cœur, » répondit sèchement cœur droit en lui tournant le dos. La pauvre Esther se tut toute tremblante. Elle avait cru trouver un protecteur. Cette brusque réponse la désillusionnait. Néanmoins, les sauvages obéirent avec empressement. L'un d'eux coupa ses liens, un autre alla lui chercher de l'eau, un autre lui offrit quelque nourriture. Océo retira de sa selle une peau de daim parfumée et la jeta à ses pieds pour qu'elle s'y reposât. La jeune fille, agitée de mille pensées étranges, s'assit sur sa fourrure et se mit à rêver, la tête dans ses mains, dévorant ses larmes. Un léger mouvement à côté d'elle lui fit relever les yeux. Elle vit Océo, debout, les bras croisés. « Que la jeune fille au teint de neige essuie ses larmes, » dit-il d'une voix douce. « Elle laverait les roses de ses joues. Quand le grand, le bon Manitou a placé les hommes rouges dans la prairie, il ne leur a pas donné à tous un cœur de pierre. » Puis il se tut brusquement et se détourna avec une sorte d'irritation contenue. « Est-ce que Océo veut s'approprier le butin d'Aigle Noir ?» À cette question du sauvage, Océo marcha vers lui et sans le toucher le refoula si près du précipice que d'un geste il aurait pu l'y précipiter. Là, il s'arrêta sans daigner lui répondre, et les bras toujours croisés, se remit à regarder dans la plaine. « Que les Dakota se dispersent dans la montagne et guettent l'arrivée des hommes blancs, » dit ensuite Océo. Aigle Noir prit la parole d'un ton aigre-doux. « Mon père n'a jamais taché son âme de sang. Sa main est innocente du pillage. Pourquoi mon frère se place-t-il entre Aigle Noir et sa prisonnière ?» Est-ce qu'Aigle Noir a peur qu'une faible fille s'échappe du milieu de ses guerriers? Ou bien a-t-il la lâcheté cruelle de la lier comme une victime au poteau de mort? Non. Pense-t-il que le peuple de cette jeune fille donnera plus d'or lorsqu'il s'apercevra qu'elle a été torturée? Non, mais Aigle Noir fait ce qu'il veut de ses prisonnières et ne veut pas qu'on se mêle de ses actions. La parole d'Aigle Noir passe comme un souffle contre mes oreilles. « Je ne l'entends pas, » répondit froidement Océo, sans même regarder le sauvage. Ce dernier, placé derrière cœur droit, n'avait qu'à lever la main pour lui fendre la tête, ou le précipiter dans un abîme. Frémissant de fureur et outré du dédaigneux antagonisme que lui opposait cœur droit, il ne put se contenir. Son bras bronzé se leva menaçant. L'œil vigilant d'Océo saisit ce mouvement. Il se retourna sans paraître avoir compris le projet de son ennemi et lui dit d'une voix calme. « Est-ce que mon frère aperçoit quelque chose ?» Il montre la prairie de la main. « Je vois le buffle et le daim qui fuient devant le Manitou du feu. » C'est vrai, et derrière la fumée qui tourbillonne, serpente la colonne des visages pâles. Leurs bestiaux sont nombreux, car ils en ont laissé en arrière. Les hommes blancs sont comme les vautours. Ils dévastent la terre des hommes rouges. Ils ne laissent après eux ni pâturage, ni gibier. Les Dakota peuvent faire comme eux, récolter la graine d'or, de maïs et... devenir esclaves, n'est-ce pas? Le grand Manitou a donné aux Fastpal le grain pour nourrir leurs femmes et leurs enfants. Aux Peaux-Rouges, il a donné les territoires de chasse. Quand les Dakota courberont leur front sous le joug du travail, comme les bœufs des hommes blancs, leur courage et leur gloire disparaîtront pour toujours. Oui, vraiment. Les hommes rouges seront moins vaillants lorsqu'ils auront oublié de torturer leurs prisonniers et d'entourer leurs ceintures des chevelures scalpées. Océo ne sait dire que des paroles de paix. Cœur Droit se détourna silencieusement, avec un sourire de mépris, et croisant de nouveau les bras, se remit à regarder la plaine. Aigle Noir se rapprocha de lui les bras levés, sans qu'il s'en aperçût. Esther poussa un cri déchirant, mais il était trop tard. La main meurtrière s'était déjà abattue avec une violence irrésistible sur la tête d'Océo. Le malheureux jeune homme chancela, ses bras retombèrent sans force, et s'affaissant sur lui-même, il roula sur les flancs escarpés du rocher. Aigle Noir poussa un cri de joie. Saisissant Esther, il s'élança avec elle sur le cheval blanc d'Océo, et donnant le signal du départ, descendit la montagne, retenant de force sur sa selle la jeune fille qui criait et se débattait. Ses actions avaient été si promptes qu'aucun de ses compagnons n'avait pu s'en rendre compte. Leur étonnement fut grand lorsqu'ils virent Esther et Aigle Noir sur le cheval d'Océo. Un nuage de mécontentement passa sur leur visage. Océo n'avait pas le pied sûr, il est tombé dans le précipice comme un aigle dont l'aigle est brisé. Hâtons-nous de poursuivre notre route. Ce monstrueux et grossier mensonge ne trouva pas de contradicteur. Esther s'était évanouie entre les serres homicides de cet oiseau de proie à face humaine.